l'épseur. La mort fait faire des crises d'épilepsie. Dans la street, faut savoir du l'épseur. Fais de la guitare si dans le rap t'as pas l'impie. Il me faut un cible, sa mère. Au poil des sangs, je kiffe sa mère. Il me faut du pif, c'est mort, c'est ta casse, t'as du vide dans le vaisseau, mère. Comme Panther, bleu, blanc, rouge, montée d'adrénaline sur un thé, je suis seul. C'est pas de billets, faire fond de skull. Pour ça, ton corps peut finir dans un linceul. Moi, dis-moi, j'ai vendu qui. T'as la manche à plus de 90 kills. Produit d'un effet, faut que tu le cales. Espèce de pute, faut que tu le kills. Dois toi la street, mon gros, faut pas les barres. Mes rêves se sont entortillés. Mes piquettes, que si tu vois les barres, mais de rouler comme tortilla. Comme tortilla, même si t'as pas tortillé. Fait que d'un gros, va décortiller. Décortiller, produit blanc comme des cortillons. Pour faire un max de bénéfices. Bref, ça parle à faire avec mon royaume. On a fait des tests, mais on n'est pas des voyous. On m'a pas appris à vous voyez, c'est cristalline qui pense, je sais pas si vous voyez. Y'a qu'une seule chose dans mon corazon, et que je m'y passe, c'est là la chorale sonne. Dans ma tête, c'est tout pour les sommes, encore plus simple, les basiques chorales sonnent. Pas la luminosité, de faire du sale man, luminosité. Pas, je crois pas la cité, toujours avec les mêmes, et ça depuis le départ. Oui, c'est comme le guépard, j'ai la haine marre de manger des pains. Je pense me faire des pains, je veux récupérer ma guitare. Rouge, la distress, c'est pas un jeu dans tous les coins de la tête, y'a des trafics de tout. T'as fait une erreur, assume car ici pour une histoire d'argent, faut tout s'astuer. Faut faire beaucoup plus de table, mais ça tombe depuis tout à l'heure. Quand tu vas surveiller ton allure, quand c'est rien dans le bec, t'en allais. Faut du papier, un gros gamin mon souverain sur papillon. Si t'as pas payé, on vient t'attendre devant ton pavillon. Hey, faut faire beaucoup plus de table, mais ça tombe depuis tout à l'heure. Quand tu vas surveiller ton allure, quand c'est rien dans le bec, t'en allais. C'est dans les chansons que je suis posté. À skip le terrain est pisté. Je me cache, je dois finir au poste. Ton ref peut-être un imposteur. Malgré vous plus que c'est un poster. Devant mon bêta poster. Cali tout ça balle est en poster. Genre de j'ai affreux mes mélas. C'est encore à 10 sons avec Mélossa. Je veux du pic jusqu'à m'enlacer. Les Yankees réclament pas ta HP de la C. On est 4 à bord du classé. C'est Biggie qui conduit, on est déclassé. Casier judiciaire dans le classeur. Un bien pour toi si l'affaire est classée. Eh, ça t'es vrai. La 2B la conduit, on la défrit. T'as voulu la roter, c'est à tes frais. On t'émettra dans toutes tes affaires, tes frites. Eh, gros, j'suis dans tous les jets avec Barber. T'as fait un trou, tu nous vois en barbare. On te pétine même si t'as le corps à Barber. Toi et ton équipe décalée à Barber. J'ai les sur le CRF. Là, j'me fais un frottage de bavette. Les voisins rentrent pas de la fouette. Évidemment, ça peut tourner où ça fouette. Enroule la masse à poteau, y'a plus de ton que de ta balle. Lui il veut plus qu'à ma voix qu'on lui tabasse. Lui il veut 40 lunes et qui se me schlep. On t'aime comme t'aimes certains. Dans ta ouais, ça vient comme t'es. Où on pique, y'a pas de salope. Comme qu'un de ta t'y coupé. Sa village comme dans The Wire. Ça prend des clichés pour tu vas voir ailleurs. Bref, ma cour à la vie, le trafic de zippet. Dans l'on soit ne cesse pas. Appelle la grotte, aspire sur le gîte et tout fort. Je vais à la crête et je vois des SS ou flash. Flash, flash, flash, on va qu'on désappe. Non, non, non, tu les rêves pas mon gars. L2B c'est nous les guides. J'prends mes repères quand j'suis dans mon film. Casquette et L2 qu'on perd d'agite. Pas trop être influencé par la suite. L2B c'est nous les guides. J'prends mes repères quand j'suis dans mon film. Casquette et L2 qu'on perd d'agite. Pas trop être influencé par la suite. Gros, la distress c'est pas un jeu. Dans tous les coins de la tête, y'a des trafics de tout. J'dis, si t'as fait une erreur, assume car ici pour une histoire d'argent, peut tout s'astuer. Faut faire beaucoup plus de table. Mais ça tombe depuis tout à l'heure. Quand tu vas surveiller ton allure, pas serein dans le bank, t'en as l'air.